Puis, normal. Ça c'est quoi ça? Tac. 1, 2, 3, tac. Ah, c'est bien ça. Ça va mieux. Ils sont acharnés là. Attends, j'enlève les. Ils se sont acharnés les mecs, non? En plus. Tu me fais... Putain, j'ai... rien qu'à t'entendre, j'ai mal. Plus qu'à jouer de la guitare et essayer de prendre ton mal en patience. Salut Philippe. Le pauvre filou convalescent, moi ça va très bien.